La fortune du cousin Jérôme, de Georges Vautier, chapitre 1er. La nuit tombait dans le petit salon du presbytère. Mademoiselle Françoise, les lunettes sur le nez, tricotait, discrètement éclairée par la pâle clarté que jetait sous les plis d'un abat-jour de papier une lampe basse. Le cliquetis des aiguilles que ses longs doigts maigres faisaient danser avec une infatigable célérité accompagnait en sourdine le tic-tac grave et monotone de la pendule. Nul bruit au dehors. La chanson éloignée d'un paysan qui revenait des champs, la plainte d'un chien qui aboyait à la lune, troublait seul le grand silence de la campagne endormie. Un pas ferme fit crier le sable des allées du jardinet, puis sonna sur le marbre du vestibule dont la lourde porte roula sur ses gonds en grinçant. « C'est toi, l'abbé ? » cria Mademoiselle Françoise sans lever les yeux. « C'est moi. Tu rentres bien tard. Je me suis attardé au chevet de la Margotte. » Elle hocha la tête. « Toujours le même. » murmura-t-elle. Une jolie pénitente, en vérité, cette Margotte, une malheureuse qui avait autrefois quitté le pays, jeune et jolie, pour aller chercher fortune à Paris, qui revenait aujourd'hui mourir, pauvre, abandonnée, après avoir fait les 100 coups. Elle n'avait pas eu honte de monter sur les planches. Elle avait été, disait-on, choriste à l'opéra. N'était-ce pas pitié de voir un digne prêtre délaisser les âmes les plus méritantes pour s'attacher à faire le salut d'une créature condamnée d'avance au feu de l'enfer? « Ah, l'abbé, l'abbé !» Il était donc écrit là-haut, dans le livre où le bon Dieu a réglé toutes les destinées, qu'il ne serait jamais sérieux, que ni l'âge ni l'expérience ne le corrigeraient de sa faiblesse. Le bruit qu'il fit en entrant interrompit le cours des réflexions de la vieille fille. Il vint s'asseoir en face d'elle, les coudes sur la table, appuyant sur la main son front large et intelligent, déjà couronné de cheveux gris, bien qu'il eût à peine dépassé la quarantaine. Il y eut un long silence. « À quoi rêves-tu, l'abbé ? » demanda-t-elle enfin. « À rien et à mille choses. Tu parais préoccupé. »« Non, vraiment. » Il se secoua comme pour chasser une obsession. « Le facteur s'est-il arrêté ici en faisant sa tournée ?»« Oui, il a déposé pour toi une lettre qui porte le timbre de Paris. Qu'en ai-je fait ?» Elle bouleversa, pour la découvrir, une montagne de boules de laine qui se dressait à côté de la lampe, émergeant d'un panier d'osier. « Je l'avais mise ici. » Il y a un grand cachet rouge. Ce n'est pas une lettre ordinaire. La voici. Il l'ouvrit, après l'avoir examinée de tous côtés avec défiance, la lut à deux reprises et la mit en poche d'un air ennuyé. Je n'y comprends rien. Elle est d'un notaire de Paris, dont le nom m'est étranger, qui me prie de passer sans tarder par son étude où m'attend, dit-il, une communication de la plus haute importance. Tu iras? Il faudra bien, un de ces jours. « Tu n'as aucun soupçon au sujet de la nature de cette communication ?»« Aucun. »« Il s'agit sans doute d'une libéralité faite à l'Église ou aux pauvres de la paroisse par un testament. Pour mon malheur, je ne connais pas d'oncle d'Amérique. Ta mère avait un cousin germain qui, à l'époque où mon frère l'épousa, quitta la France pour aller entreprendre je ne sais quelles grandes affaires au-delà des mers. Le cousin Jérôme ? S'il avait réussi, il serait revenu. Il aurait donné tout au moins de ses nouvelles. » « Il est mort, bien certainement, depuis de longues années, mort comme tous les autres. » Il soupira. « Tous, reprit-il, sauf l'enfant malvenu qui gênait, qu'on a sacrifié. » Mademoiselle Françoise avait laissé tomber son tricot sur les genoux, surprise par l'amertume de cette plainte. Elle tint fixée sur lui pendant 2 ou 3 minutes ses petits yeux gris. « Tu sais, l'abbé, que tu m'affliges en parlant ainsi. Que t'est-il arrivé? Je ne te reconnais plus. Tu es mécontent, tu gênes. » Que te manque-t-il? La vie n'est-elle pas pour toi tranquille et douce? Qu'as-tu à regretter? Tu as rempli ton devoir envers les tiens. Dieu t'en a récompensé en t'accordant les qualités qu'il réclame de ses serviteurs. Bah, ce qu'il arrangeait, bien arrangé. Il ne répondit pas. Il se leva, fit 2 ou 3 fois silencieusement le tour de la chambre. Elle avait repris son tricot. Elle le surveillait du coin de l'œil. Le voyant s'arrêter près du piano qui faisait face à la cheminée, elle l'interpella. « Tu vas faire de la musique ?»« Oui. » Il préludait déjà. Elle revint à la charge, jetant sa voix aigre au milieu des arpèges. « Il est tard. Tu dois être fatigué. Crois-moi, repose-toi plutôt. Bon, laisse-moi goûter librement le seul plaisir qui me soit permis. Je dois t'avertir qu'on jase dans le village. On t'entend quelquefois chanter, jouer jusqu'à minuit. Ce n'est pas convenable. » Il se retourna brusquement, le sourcil froncé. « Écoutez-moi bien, tante Françoise. » lui dit-il d'un ton sec qui n'admettait pas la réplique, du ton qu'il prenait quelquefois en chair lorsqu'il lui fallait réveiller par une leçon sévère le zèle pieux de ses ouailles ou les gronder pour quelque gros scandale. Écoutez-moi et retenez, s'il se peut, mes paroles, pour les répéter aux sots de gens qui vous mettent ces bilbesées en tête. La musique est l'art saint par excellence. Elle a de tout temps servi à la glorification de Dieu. Elle a accès jusque dans le paradis. Ce n'était qu'un sermon. Elle était familiarisée avec les sermons. Elle osa riposter. Si tu chantais des cantiques, personne n'y trouverait à redire. Oui, da, où vos paysans ont-ils donc appris à distinguer un cantique d'un air d'opéra? Est-ce que je n'entends pas, moi? Je ne suis pas musicienne, c'est vrai. Mais crois-tu qu'il faille être savante pour s'apercevoir que ta musique n'a rien de sacré? Ah bien, regarde! Il étendit la main vers une pile de cahiers brochés, placée sur une chaise à côté du piano, en prit un au hasard et du doigt, lui indiqua trois mots écrits sur la couverture bleue en grands caractères épais. Elle lut à haute voix « Judith, oratorio biblique ». « Tu as vu ?» dit-il déjà triomphant. La démonstration néanmoins lui paraissait encore incomplète, sans doute, car il la força de regarder l'une après l'autre chaque page du cahier. Elle entrevit tout un fouillis de notes, de signes kabbalistiques, véritables hiéroglyphes. N'y comprenant rien, elle se contenta d'examiner les paroles qui couraient entre les portées. Ce n'était ni du chinois ni de l'hébreu comme le reste, c'était du bon français, bien qu'elles fussent espacées d'une façon bizarre qui les rendait peu intelligibles. Elle ne parvint pas à déchiffrer une phrase entière, mais dans ce défilé de mots qui lui passait sous les yeux, elle distingua le nom du Seigneur fréquemment invoqué. Quand il fut au bout, comme il ne disait rien, elle l'interrogea. « Je vois. Encore faut-il que tu m'apprennes ce que c'est. C'est mon œuvre. C'est le travail de ces longues veillées qui font scandale. C'est toi qui as fait cela ? Moi. Cette musique ? Moi. Ces vers ? Moi. » Alors elle joignit les mains, s'abandonnant tout entière à une stupéfaction naïve. « Est-il grand Dieu possible ? Toi, l'abbé ? » Dis, t'expliques-tu maintenant pourquoi je restais au piano jusqu'au milieu de la nuit ? Tu travailles depuis longtemps ? Depuis 2 ans. Et tu ne m'as rien confié de cela ? Tu t'es caché de moi ? Oui, je me suis tu. Je me suis tu parce que j'ai douté de mes forces jusqu'au jour où l'ouvrage a été terminé, parce que je n'osais croire moi-même que j'en viendrais à bout. Rappelle-toi, quand j'étais enfant, la musique me passionnait. J'en ai appris les règles sans maître, presque d'instinct. Je m'étais fait de cette étude un amusement, une consolation. Un jour, dans la solitude de notre vie tranquille, j'ai senti un irrésistible besoin de créer. Est-ce là ce qu'on nomme l'inspiration ? J'ai lutté d'abord. J'ai essayé de tromper l'envie qui me possédait, en écrivant de petites compositions religieuses. Je me sentais entraîné vers les grands sujets dramatiques. Cet entraînement me faisait peur. Il me paraissait coupable. C'est un soir, ici, à cette place, que mes yeux rencontrèrent la page des livres saints qui raconte l'héroïque dévouement de Judith. Ce fut une révélation. Les idées m'arrivaient en foule, se fécondaient dans mon cerveau. Je me mis à la besogne. Ce travail a été ma joie et ma force. Il m'a fait vivre une nouvelle vie. Non, tu ne peux te représenter cela à toi. » Il avait, en parlant, remis les mains sur le clavier. Il joua quelques mesures, cessa, recommença, passa d'un motif à un autre. Il s'enhardit et chanta à demi-voix. Elle ouvrait les oreilles, mais elle était trop troublée pour écouter bien attentivement. Et puis elle n'était qu'un piètre juge. Il était lancé, il ne finissait plus. Il cousait une marche guerrière à un hosanna, une prière à un refrain d'orgie, se contentant de l'avertir par un simple mot, quelquefois même oubliant de l'avertir. Il fredonnait tantôt la partie de Judith et tantôt celle d'Holoferne. Il faisait tantôt les chœurs, tantôt l'orchestre. Il imitait les cymbales et les trompettes. Quand il cessa enfin, elle garda pendant quelques instants une immobilité stupide. Elle se sentait absolument incapable de formuler un jugement, et pourtant, quelque peu d'autorité que pût avoir son opinion, il l'attendait avec une anxiété visible. Elle lui représentait après tout un public, le premier qu'il affronta. « C'est très bien, » prononça-t-elle avec une conviction qui avait un grand air de sincérité. « C'est très bien. » Il se contenta, heureusement pour elle, de cette approbation sommaire. Il s'approcha d'un bond et l'embrassa, sans crainte de laisser voir son émotion. Cette caresse inattendue, la rappelant à son rôle maternel, lui rendit un peu d'aplomb. Elle risqua une légère gronderie. Elle avait surpris au passage des paroles qui lui avaient paru passablement immodestes. Le sujet n'était-il pas un peu léger ? N'aurait-il pas pu faire choix dans la Bible d'une histoire plus chaste ? Il prit très mal son observation, lui déclara net qu'elle commettait un péché en se mêlant de juger la Bible, que la conduite de Judith, si elle pouvait paraître inconvenante selon le jugement humain, avait en tout cas été inspirée par l'Esprit du Seigneur. Elle n'était pas de la race de Gros-Jean et n'avait pas la prétention d'en remontrer à son curé. Elle n'insista pas. Quoi qu'il dit, l'œuvre était terriblement profane. Qu'allait-il en faire? La question était bien naturelle. Elle s'aperçut trop tard qu'en la posant, elle venait involontairement de toucher à une corde douloureuse. « Ce que j'en ferai? Rien. Qu'en pourrais-je faire? Je l'enfermerai dans un tiroir. On l'y trouvera après ma mort. » Elle ne saisit pas le reste de la phrase. Il grommelait avec une sourde colère. Sa gaieté, son excitation, s'était évanouie. Ses traits avaient repris leur expression assombrie. L'horloge de l'église sonna lentement les 12 coups de minuit. Elle poussa un cri d'effroi. Elle n'avait pas souvenir d'avoir fait une pareille folie. Elle ne songea plus qu'à la retraite. Elle réunit en toute hâte ses petites affaires pendant qu'il fermait le piano, silencieux, et rétablissait la pile majestueuse des cahiers bleus. « Bonsoir, l'abbé. »« Bonsoir, tante Françoise. »